Voilà la Bibliothèque des sciences de Thibaud Amour que vous pourrez retrouver ainsi que toutes les émissions sur le site de la méthode scientifique, sur la page de la méthode scientifique, sur franceculture.fr ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci beaucoup à nos deux explorateurs de l'infini. Merci Jean-Jacques Cessignars, merci Boban Velikovic d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez en savoir un peu plus et mieux comprendre ces notions d'infini en mathématiques, je vous recommande L'infini en images, un petit livre explicatif aux éditions DP Sciences. Et puis n'oubliez pas que samedi après-demain, c'est le forum L'année vue par les savoirs autour de la question animale. Il y aura une émission de philosophie, d'histoire, d'économie, une méthode scientifique et la leçon de clôture par Serge Tisseron. Vous pouvez vous inscrire, toutes les informations sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Il faut vous inscrire sur le site de la Maison de la Radio. Merci à la méthode scientifique, à l'équipe de la méthode scientifique, à Étienne, Sarah Higemont, Céline Nozen, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Tout de suite, le dernier épisode de la série documentaire sur Lascaux 4. Dans à peu près 1h, 1h20 après le journal de 18h, Le Grain à Moudre, faut-il moderniser les classiques par Hervé Gardette? Et pour ceux qui nous concernent, demain vendredi, fiction, nous parlerons de la série qui nous plonge au cœur du cauchemar technologique qui nous attend demain. À moins que ce cauchemar n'ait déjà commencé, nous parlerons de la série Black Mirror demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.